pardonne si mon âme éternelle se nourrit d'un désespoir éternel. Fuck, avant que la pluie tombe sur le dernier dos, à mon avis, on nous ferme des portes. Comme, comme ennemi, j'élimine mes limites. J'attends à qu'on me félicite, je fais les 10S. Prière pour mes G's et la suite. Ad vitam aeternam, le cycle est aride. Dimanche je me perds, pris dans ce piège, prendre la distance, je sais, le bilan je le tèche, bénéfictif, je paye ma wife, dis-moi qui finance le reste. Je drop ça, je flex, après je file en vitesse, je pas un dimanche, je suis zen moi. J'ai juste envie d'espoir, juste envie d'effacer mes fautes et les causes, juste envie de dépasser les modes et les codes. Tu n'es pas sans défaut, sans fire. Dans la fumée, je m'absente, je fais pause. Seul dans un tunnel, j'attends l'écho. Seulement guise d'épaule, c'est clean, je remplis des cônes. Intérieurement, y'a quelque chose qui déconne. À mon enterrement pété du Rayquan. Chaque jour la même dose qui décomme. J'entends wake up, putain, faut les quechos. Les deux mains collées, allez killer, je prie fort. Les chips neutralisent les cauchemars. Je pose ça sur le côté, puis je disparais comme un jeune qui a fait son quota. Les deux mains collées, allez killer, je prie fort. Les chips neutralisent les cauchemars. Je pose ça sur le côté, puis je disparais comme un jeune qui a fait son quota. Dieu me pardonne si mon âme éternelle se nourrit d'un désespoir éternel. Fuck, avant que la pluie tombe sur le dernier dos, à mon avis, on nous ferme des portes. Comme, comme ennemi, j'élimine mes limites. J'attends à qu'on me félicite, je fais les 10S. Prière pour mes G's et la suite. Ad vitam aeternam, le cycle est aride. À quoi sert vivre? Ad vitam aeternam, faut cramer son temps, c'est pas yeuf qu'on profitera. Je vois s'instaurer le dictat, c'était réglé. Ma l'âme de l'homme est noire comme l'intérieur de mes poumons. Je veux pas me réincarner, c'est de plus en plus la merde. Je vois les années passer comme plastique à la mer. Ça le dit pas l'appel, ça tise à l'arrêt. Les journées se répètent comme un CD tout rayé. J'ai que dans le fond, j'aimerais que ça se tasse. J'ai pas l'empathie grande comme Nastas. J'ai capté tout leur tour de passe-passe. J'ai vu que l'argent reste le meilleur pas 3. Reste calme, je veux pas vieillir sur cette terre. Si c'est pour subir tout le scénar, je suis bon qu'à reproduire mauvais schéma. Même dans d'autres vies, ça va schéma. Que tu me pardonnes si mon âme éternelle se nourrit d'un désespoir éternel. Fuck, avant que la pluie tombe sur le dernier. À mon avis, on nous ferme des portes. Comme, comme ennemi, j'élimine mes limites. J'attends à qu'on me félicite, je fais les 10S. Prière pour mes G's et la suite. Ad vitam aeternam, le cycle est aride. Je pardonne si mon âme éternelle se nourrit d'un désespoir éternel. Fuck, avant que la pluie tombe sur le dernier dos. À mon avis, on nous ferme des portes. Comme, comme ennemi, j'élimine mes limites. J'attends à qu'on me félicite, je fais les 10S. Prière pour mes G's et la suite. Ad vitam aeternam, le cycle est aride.